بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 84 dans le livre de Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah avec son commentaire. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, le pilier de la foi en le jour dernier. Et on est dans la partie où le cheikh il explique maintenant, il dit « Wa nu'minu bishafa'ati al-uzma li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khassatan » C'est-à-dire, et nous croyons en la grande intercession pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est particulière. C'est une intercession particulière au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi le cheikh il dit particulière? C'est parce que il y a plusieurs catégories d'intercession au jour de la résurrection. Certaines qui sont générales, c'est-à-dire il y a plusieurs prophètes et des anges et des gens qui vont pouvoir intercéder pour d'autres. Tandis qu'il y a des intercessions, des catégories d'intercession qui sont spécifiques et particulières au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il parle de al-shafa'atul uzma, c'est-à-dire la grande intercession. On va lire maintenant l'explication de ça. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit « وَقَوْلُهُ نُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَقَوْلُهُ نُؤْمِنُ يعني مثلها نقول يعني معشر أهل السنة والجماعة لأن هذه عقيدة مبنية على ذلك والشفاعة هي التوسط لغير للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة فمثلا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة في هذه جلب منفعة والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها هذه دفع مضرة فنؤمن بالشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم والشفاعة العظمى اسم تفضيل من العظمة لأنها أعظم الشفاعات وهذه الشفاعات أو هذه الشفاعة اتفق على الإيمان بها أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة والشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يشاركه فيها أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il dit, premièrement, nous croyons en la grande intercession pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Et quand il dit nous croyons, hein, c'est comme quand il dit nous disons. Hein, nous croyons, nous disons, c'est-à-dire c'est ça notre aqidah. Nous, les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et pourquoi on dit que nous y croyons? Parce que c'est la croyance qui est basée sur la sunna. Sur la sunna. Et la shafa'a, ça veut dire l'intercession. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh, il l'explique en arabe, sa définition, at-tawassut lil-ghayr. Donc, c'est comme si tu deviens un intermédiaire pour quelqu'un d'autre. Hein? Dans le fait de ramener quelque chose qui est bénéfique ou qui est utile, ou de repousser quelque chose qui est nuisible. Donc, tu demandes l'aide de quelqu'un pour qu'il puisse intercéder en ta faveur pour ramener un bien ou repousser un mal. Et les ulama, en général, quand ils expliquent à shafa'a, ils expliquent qu'il y a des shafa'a dans les affaires, dans les affaires de la dunya, puis la shafa'a religieuse. Shafa'a dans les affaires de la dunya, c'est comme, par exemple, supposons que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, pour obtenir un service de quelqu'un. Et toi, par exemple, tu connais pas la personne qui est responsable, alors tu dis à ton ami qui, lui, connaît très bien la personne, est-ce que tu pourrais pas me présenter à la personne responsable pour que je puisse avoir telle ou telle chose? Alors, lui, il intercède en ta faveur. Il va voir le responsable, il dit « j'ai un ami ». Et il voudrait avoir un service. Est-ce que tu pourrais, par exemple, lui donner ce service-là? Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle Hein, shafa'a. Ça c'est un exemple de shafa'a. Et ça peut être une shafa'a dans le bien, comme ça peut être une shafa'a dans le mal. Il y a des gens qui utilisent l'intercession pour le mal, dans le sens que ils vont demander à quelqu'un un service pour faire un péché, ou des choses de ce genre. Donc ça c'est haram. Et si c'est une intercession pour quelque chose de bien, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien, et la personne, elle aura une récompense pour avoir intercédé dans ce cas-là. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de parler ici? C'est une intercession par rapport aux questions religieuses. Et l'intercession, c'est quelque chose qui appartient uniquement à Allah, ça, on va y revenir. Mais ici, le cheikh, il explique plutôt le principe et il donne des exemples. Donc, il dit l'intercession, par exemple, pour les gens du paradis, pour qu'ils puissent rentrer au paradis. Ça, c'est le fait de ramener un bienfait. Et l'intercession pour ceux qui sont rentrés en enfer, de les faire sortir de l'enfer pour qu'ils puissent rentrer au paradis, ça c'est une intercession pour repousser un mal. Ça c'est un exemple. Après il dit, et nous croyons en la grande intercession pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit ash-shafa'atul uzma, c'est-à-dire la plus grande intercession. Et il dit, les gens de la sunna sont tous d'accord pour croire en cette intercession-là. Et il y a parmi les gens de Bid'a aussi même des groupes qui reconnaissent aussi cette intercession-là, comme par exemple les Khawarij et les Mu'tazila. Eux aussi, ils reconnaissent la grande intercession du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit, et la grande intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on dit qu'elle est khassa? Parce qu'elle est particulière. Il partage pas cette intercession-là avec personne d'autre. Il n'y a aucun autre prophète, aucun autre messager, aucun ange rapproché qui peut intercéder en faisant cette intercession-là. Personne. Donc, fahiya, le cheikh dit, fahiya lirrasul sallallahu alayhi wa sallam wahdahu. Wa hiya min al-maqam al-mahmoud al-ladhi qala Allahu ta'ala fih. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Fahuwa maqamun yahmaduhu alayhi al-awwalun wal-akhirun. وَيَعْتَرِفُونَ بِالْفَضْلِ لِلْرَسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc le cheikh, il dit que c'est une intercession qui est spécifique et particulière au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est aussi l'intercession qu'on appelle en arabe al-maqam al-mahmoud, c'est-à-dire le statut de gloire, le statut de glorification. Pourquoi on l'appelle comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans surat al-Isra, le verset 79. Donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait allusion à ce verset-là. Je vais vous lire la signification en français du verset. On a dit 89, donc c'est ça. Certes, nous avons déployé les gens, non, c'est pas 79 et non pas 89. Ok. Donc, dans le verset 79, ça dit « Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour les prières surérogatoires. » Hein? Afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Une position de gloire ou un statut de gloire, c'est al-maqam al-mahmoud. Et pourquoi on l'appelle maqam al-mahmoud, le statut de gloire ou de glorification? Parce que au jour de la résurrection, les premiers hommes jusqu'au dernier, dans toute la création, vont glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vont le remercier à cause de cette intercession-là. Pourquoi? Parce que le rassemblement va avoir lieu après la résurrection. Les hommes et les femmes vont sortir de la terre et ils vont être recréés comme Allah les a créés la première fois. Ils vont être nus, ils vont être non circoncis, ils vont être nu-pieds. Et ils vont se tenir devant, hein, en attendant le jugement, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit qu'à ce moment-là, hein, le soleil sera proche de leur tête, et certains vont être dans la sueur, et ainsi de suite. Et les gens vont commencer à se concerter. On va le mentionner, le hadith, de toute façon. Chacun va demander qui va intercéder pour nous. Et ils vont aller voir des différents prophètes, et chacun va s'excuser. Chacun d'entre eux va s'excuser. Jusqu'à ce qu'ils aillent demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il va dire, oui, d'accord. C'est pour moi cette intercession-là. Alors il va venir, il va se prosterner devant le trône, il va glorifier Allah par des glorifications jusqu'à ce que Allah lui permette de se relever et d'intercéder. Et c'est à ce moment-là que le jugement va commencer. Donc cette intercession, c'est pour que le jugement puisse commencer seulement. C'est pour ça que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que le jugement, il est dans une journée qui correspond à 50 000 ans. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. 50 alf sana, 50 000 ans. Donc le cheikh il dit ensuite wa amma ما قيل من أن المقام هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مع الله تعالى فهذا قول غير صحيح لأن الجلوس على العرش خاص بالله لا يثبت لغيره. Le cheikh il dit donc en ce qui concerne ceux qui ont dit que le maqam al-mahmoud, la position de gloire ou le statut de gloire, c'est le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم s'assoit avec Allah subhanahu wa ta'ala sur le trône. Et ça, c'est une parole qui n'est pas authentique parce que l'élévation sur le trône ou la position sur le trône, le cheikh il a utilisé ici al-julus. Ce terme-là, ce n'est pas le terme qui est employé dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc les ulama, ils disent que le terme qu'on doit employer, c'est al-istiwa et non pas al-julus. Donc, l'élévation sur le trône, c'est particulier et c'est spécifique à Allah seul. Et il n'est pas affirmé pour quiconque d'autre que Allah. Il n'y a personne qui s'assoit sur le trône avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc cette parole-là, elle n'est pas authentique. Même si elle a été rapportée dans la parole de certaines personnes, de certains ulama, mais ce n'est pas basé sur des textes et sur des preuves authentiques. D'accord ? Il dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَجْمَعُ بَيْنَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةَ الْعُظْمَى حِينَمَا يَسْجُدُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الْعَرْشِ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَيْنَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ تَكُونُ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ لِفَضْلِ الْأُمَّةِ وَإِلَّا فَهِيَ عَامَّةٌ كَمَا جَاءَتْ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى. Donc, il dit, le cheikh, comment on peut réunir entre, par exemple, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette grande intercession lorsque il va se prosterner sous le trône et Allah va lui permettre d'intercéder et il va dire « Oh mon Seigneur, ma umma, oh mon Seigneur, ma umma », comment on peut concorder entre ça et ce qui a été rapporté au sujet du fait que l'intercession de ce moment-là, c'est pour toute la création et non pas seulement pour sa umma. Et le cheikh, il répond en disant que soit que c'est par rapport à une spécificité qui a été mentionnée à cause du mérite de la umma, de son excellence et de la supériorité de cette umma sur les autres, mais sinon, c'est une intercession qui est générale, comme ça a été mentionné dans d'autres hadiths. Ensuite, le cheikh il continue l'explication, il dit وَيَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ لِيَقْضِيَ بَيْنَ عِبَادِهِ حِينَ يُصِيبُهُمْ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il va intercéder auprès d'Allah par sa permission pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement entre ses serviteurs, et c'est lorsque les gens vont être frappés par ou touchés par beaucoup d'angoisse et beaucoup de difficultés qu'ils ne peuvent pas supporter ce jour-là à cause de l'attente. Imaginez dans cette vie d'ici-bas, quand on doit attendre dans une file pendant quelques minutes juste pour avoir quelque chose dans un magasin ou dans un endroit public. On fait une file pour attendre, pour avoir quelque chose. Déjà, on n'attend même pas 5 minutes, on est déjà fatigué. On a plus la force de rester debout. On veut s'asseoir. On veut, hein, on a hâte que ça passe. Et ça, c'est juste quelques minutes. Si l'attente est 1 heure, on est mort déjà, hein? Alors imaginez 50 000 ans comme ça à attendre, hein? Ouais. Pour comme il y a un hadith dans, je l'ai vu dans le hadith de Al-Jami' al-Saghir, qui mentionne que pour les croyants, ça va passer comme quelques minutes, hein? Mais ça, c'est pour les croyants. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi les croyants. Hein? Aussi, il y a des croyants qui, au jour de la résurrection, il y a certaines catégories qui vont être couverts de l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Alors que les autres vont être avec le soleil sur leur tête. Donc tout ça dépend de la foi. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous permettre de faire partie de ceux qui vont être couverts de l'ombre? On le souhaite, on le demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut bien entendu le mériter. Hein? Donc, lorsqu'ils sont frappés par toutes ces difficultés-là qu'ils ne peuvent pas supporter, ils vont à différents prophètes. Ils commencent par Adam alayhi salam. Et ils demandent à Adam, intercède pour nous auprès d'Allah. Hein? C'est toi le premier homme. Et ainsi de suite. Et ils mentionnent des raisons pourquoi il ne peut pas. Après, ils vont à Ibrahim. Après, ils vont à Moussa. Après, ils vont à Isa. Puis finalement, ils vont au messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, « Qawluhu yashfa'u inda Allahi ta'ala bi'idhnihi liyaqdiya bayna ibadihi hina yusibuhum min al-hammi wal-karbi ma la yutiqoon. Thumma yawmul qiyama » Hein? Ma la yutiquna yawm al-qiyama yawm miqdaruhu 50 000 sana la bina'an, hein? La bina'a wala shajara wala thawba wala shay ma'a az-ziham ash-shadid al-'azim, hein? Wa khashi'at al-aswat lir-rahman fala tasma'u illa hamsa wa fi hadha al-yawm al-'azim يلحق الناس فيه من الهم والكرب ما لا يطيقون ويطلبون شفيعا إلى الله عز وجل ينجيهم من هذا الموقف. Donc imaginez, le cheikh il explique et il dit, hein, ce jour-là, c'est un jour qui dure 50 000 ans. Et il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'arbres, hein, il n'y a pas de vêtements, les gens sont nus, hein, il n'y a rien. Non, c'est les hommes de façon générale. C'est pas spécifié est-ce que c'est les croyants ou non, mais en général, ça doit être des croyants puisque eux, ils vont vers les prophètes, hein, pour leur demander d'intercéder. Donc, en principe, ça devrait être des croyants. Mais sinon, Allahu a'lam. Et il dit en plus, il y a tout le monde est collé, tout le monde est comme un sur l'autre. Il n'y a pas de, hein, il n'y a pas de confort. Et le soleil est proche de leur tête. Donc, il cite un verset dans... C'est le verset 108 dans Sourate Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, ce jour-là, ils suivront, ils suivront le convocateur, c'est-à-dire Ad-Da'i, celui qui appelle au jugement. La iwajalah. Hein, sans tortuosité. Wa khashi'at al-aswat lir-rahman. Et les voix baisseront, hein, devant le tout miséricordieux. C'est-à-dire, on n'entendra alors qu'un chuchotement. Personne ne va parler à haute voix. Vous imaginez donc ce jour-là avec des milliards de personnes réunies, tous ensemble. Parce que ce n'est pas juste les gens qui ont vécu. À notre siècle, c'est tous les siècles depuis le début de la création jusqu'au dernier, tous les êtres humains qui ont vécu, qui sont réunis, du premier homme, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier homme qui a vécu sur terre, tout le monde réuni sur une seule plateforme, réuni en même temps. Et Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on n'entend qu'un chuchotement. Hein? Subhanallah. Ici, on est dans une pièce, même il n'y a même pas 20 personnes, on ne s'entend plus. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On est dans une petite pièce. Il y a même pas, elle n'est même pas remplie. Hein? On a déjà trop chaud. On a besoin de l'air climatisé, des ventilateurs. Hein? On a besoin des chaises. On a besoin des murs pour s'accoter. Hein? Parce qu'on ne peut pas rester sans ça. Et en plus, yani, subhanallah, on parle tous en même temps, on ne s'entend plus. Ce jour-là, on n'entend que des chuchotements. Il n'y a personne qui parle à haute voix. Là, yani, dans le verset, ça dit « Fala tasma'u illa hamsa ». Même le mot, hein? Même si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu entends « hamsa », tu comprends que ça veut dire que tu n'entends presque pas de bruit. Allahu Akbar. C'est dans surat, qu'est-ce que j'avais dit? Taha, le verset 108. Et il dit, dans ce jour-là, les hommes vont subir beaucoup d'anxiété, de difficultés, et des choses qu'ils auront du mal à supporter ou endurer. Alors, ils vont demander l'intercession à Allah pour qu'ils soient sauvés de cet endroit ou de cette situation-là. Il dit ensuite, ils vont aller vers les différents prophètes. Il dit يلهمون أن يذهبوا إلى آدم عليه السلام فيذهبون إليه ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله فيعتذر بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة مع أنه تاب منه ولكن لما كان مقام الشفاعة مقاما عظيما فلا بد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشفوع إليه ما يثلب مقامه انتظر بأكله من الشجرة مع أنه تاب وحسنت حاله من بعد ذلك ولكن الإنسان الذي قد عصى من يريد الشفاعة إليه سوف يكون في وجهه حياء وخجل واعتذاره بأكله من الشجرة يدل على أن ما ورد من أن المراد بقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون إن حواء لما حملت أتاه الشيطان فقال لها ولآدم أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة وسمياه عبد الحارث سمياه عبد الحارث أي الولد وإلا فسيخرج ميتا وفي النهاية سمياه عبد الحارث هذه القصة لا شك أنها مكذوبة فكيف يأتي إليهما ليقبل كلامهما أو كيف يأتي إليهما ليقبل كلامه وهو يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فهل هذا كلام متوسل أو كلام متوسل فهل هذا كلام متوسل متضرع لقبول قوله أو أن هذا مما يوجب النفور من قوله الثاني بلا شك. أوكي. Le Cheikh il explique ici que les gens vont aller ils vont être inspirés d'aller vers les différents prophètes. Ils vont commencer par Adam, alayhi salam. Donc, ils vont aller voir Adam. Et ils vont mentionner certains de ses mérites et de ses belles qualités pour intercéder pour eux auprès d'Allah. Alors, il va s'excuser qu'il avait désobéi à son Seigneur en mangeant de l'arbre, du fruit de l'arbre. Et même s'il s'est repenti de ça, la position de l'intercession nécessite que yani, ce soit une personne qui soit irréprochable. Hein? Et même s'il a été pardonné et que par la suite, il s'est réformé et ainsi de suite, yani, il se sent gêné peut-être d'aller et de poser la question ou de demander l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il s'excuse et il dit, non, je ne peux pas parce que moi j'ai mangé de l'arbre. Et le cheikh, il cite un verset dans surat Al-A'raf, le verset 189 et 190. Et ce verset-là, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il l'a mentionné dans le kitab al-Tawhid. Et il a mentionné un hadith qui est mentionné avec, je crois. Et c'est de ça que le cheikh, il parle ici. Et le hadith en question, il va mentionner que il dit que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Donc, on va lire l'explication de ce verset-là, comme il l'a expliqué le cheikh. Et pour quelle raison il mentionne cette histoire-là? Il la mentionne pour montrer que lorsque quelqu'un va demander quelque chose ou vient pour demander quelque chose, il ne va pas demander à quelqu'un alors qu'il lui dit quelque chose qui va indiquer que yani, on ne devrait pas lui faire confiance ou quelque chose comme ça. Donc ici, il cite le verset 189 et 190. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-A'raf, c'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. « Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. » Puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Donc le cheikh ensuite, il cite le hadith, il dit que lorsque Ève est tombée enceinte, le shaitan est venu la voir. Et il lui a dit, et à Adam, à elle et à Adam, je suis votre compagnon qui vous a fait sortir du paradis. Hein? Donc déjà là, en partant, si le shaitan il vient te voir et dit, c'est moi qui t'ai fait sortir du paradis, est-ce que tu vas lui faire confiance? Hein? Déjà en partant, tu ne vas pas lui faire confiance. Et il leur a dit, appelez l'enfant Abdul Harith, sinon il va être mort à la naissance. Il va être mort-né, hein? Ou il va naître mort, c'est ça, mort-né. Alors, à la fin, ils l'ont appelé Abdul Harith. Et supposément, à cause de ça, il a vécu. Et le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que cette histoire, elle est makdouba. C'est-à-dire, c'est un mensonge, cette histoire. Ce n'est pas vrai. Alors, comment il viendrait vers eux en disant, je suis votre compagnon qui vous a fait sortir du paradis, puis qu'ils accepteraient sa parole? Ça ne fait aucun sens. Et le cheikh, il dit, est-ce qu'une personne qui vient pour te demander quelque chose, hein, pour que tu acceptes sa parole, il va commencer en te disant ce genre de choses? Non, parce que ça, c'est quelque chose, au contraire, qui va te faire fuir de lui. Hein? وأيضا لو أن آدم عليه السلام فعل ذلك وحاشاه منه لكان شركا والشرك أعظم من الكبائر فضلا عن الصغائر ولو كان كذلك لاحتج به آدم أكثر مما لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجرة. Donc le cheikh il dit également, si Adam avait fait ça vraiment, hein, eh bien, le cheikh dit ça aurait, et il dit hasha minhu, c'est-à-dire qu'on dirait jamais une chose pareille à son sujet, hein, yani, c'est-à-dire qu'il soit épargné de ça. Et s'il l'avait fait, ça aurait été du shirk. Et le shirk, c'est le plus grand des péchés, même si c'est un shirk mineur, c'est plus grand que les kaba'ir, hein. et encore plus grand que les petits péchés. Et donc, s'il l'avait vraiment fait, il aurait utilisé ça comme excuse pour ne pas demander l'intercession. Il n'aurait pas mentionné le fait de manger de l'arbre. Parce que le shirk, c'est plus grave que de manger de l'arbre. Hein? Donc ça, c'est une des preuves aussi qui montre que cette histoire, elle est mensongère. Il dit « Wal muhim anna hadhi al-qissa makzouba » وقد ذكرناها في شرحنا لكتاب التوحيد وذكرنا سبعة أوجه تدل على بطلانها. Il dit, l'important c'est de comprendre que cette histoire elle est mensongère et on l'a mentionné dans notre charh de Kitab al-Tawhid et on a mentionné sept explications qui indiquent sa fausseté, c'est-à-dire la fausseté de cette histoire-là et c'est dans le charh de Cheikh Ibn Uthaymin al-Qawl al-Mufid. على كتاب التوحيد. ensuite il dit ثم بعد ذلك يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح عليه السلام ويسألونه أن يشفع لهم عند الله فيعتذر منهم بأنه سأل ما ليس له به علم حيث قال تعالى ربي إن ابني من أهلي فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين وفي رواية أنه اعتذر أنه دعا على قومه بقوله تعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Donc l'autre explication c'est qu'ils sont allés après Allah leur a inspiré d'aller demander à Nuh alayhi salam. Donc ils sont tous partis vers Nuh pour demander. Ils ne sont pas tous partis, mais disons qu'il y en a qui sont partis pour demander à Nuh l'intercession pour eux. Et il s'est excusé lui aussi de faire cette intercession-là en disant qu'il avait demandé à Allah quelque chose dont il n'avait pas de la science. Il a posé une question sans science et il a parlé sans science. Comme par exemple le verset 45 dans Surat Hud, lorsque il dit « Ô mon Seigneur, mon fils fait partie de ma famille » et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond dans le verset suivant « Il n'est pas de ta famille, c'est une œuvre qui n'est pas vertueuse, qui n'est pas bonne. Alors ne me demande pas ce dont tu n'as aucune science. » Et je t'exhorte, Yanné, de ne pas être du nombre des ignorants. Alors, dans une autre narration, on dit qu'il s'est excusé également aux gens, de comme si la raison pourquoi il n'allait pas faire l'intercession, il a mentionné la raison que c'est parce qu'il a invoqué contre son peuple, en disant, « Oh, mon Seigneur, ne laisse aucun mécréant, aucune demeure mécréante sur cette terre. » Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça c'était une raison pour laquelle il a dit je ne peux pas demander l'intercession parce que j'ai fait ce dua. Thumma yulhamuna an yadhhabu ila Ibrahim alayhi salam wa yadhkuruna min manaqibihi wa fada'ilihi liyashfa'a lahum 'inda Allah fa ya'tadhiru bi annahu kadhaba thalath kadhabat. وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام لكنه تأويل وتورية والتورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب ولكن لكمال إبراهيم عليه السلام الذي وصفه ربه به ووفى بأنه وفى رأى أن هذا يوجب الخجل أن يشفع عند الله. Donc il dit le Cheikh qu'ils vont être inspirés par la suite de demander à Ibrahim. Et ils vont mentionner de ses mérites et de ses qualités. Et ils vont lui demander d'intercéder pour eux auprès d'Allah. Et lui, il va s'excuser en disant qu'il a menti trois mensonges. Il a fait trois mensonges. Et en réalité, le cheikh dit, en réalité, il n'a pas menti. C'est juste une interprétation, une tawriya. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe tawriya? Qu'est-ce que ça veut dire tawriya? Ça veut dire, c'est comme quelque chose que tu dis qui est... c'est ça qu'on appelle le double langage si on veut. Si tu dis quelque chose, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais la personne qui qui t'a posé la question ou à qui tu parles, elle va comprendre un sens, tandis que toi, tu veux dire un autre sens dans ton cœur. Comme par exemple, quand, il a cassé les idoles. Et ils lui ont dit, c'est qui a cassé ces idoles? Il a dit, demande à la grande. Hein? C'est elle qui les a cassées, les petites idoles. Donc, c'est pas un mensonge en réalité, c'est, pour ce, c'est comme pour établir la preuve contre eux en réalité. Un autre exemple, je pense, c'est quand il avait dit, فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Il dit, il a regardé les étoiles, puis après il a dit, oh, je suis malade. Et il y a une explication autour de ce verset-là. Je ne me rappelle plus vraiment bien le, l'explication. Et l'autre Tauria que je me souviens par rapport à Ibrahim, c'est lorsqu'il est rentré chez Nimrod, le roi, le tyran de l'époque. Celui qui avait dit, moi je peux faire vivre et je peux faire mourir. Hein? Alors il lui a dit, alors dans ce cas-là, si tu, si tu penses que tu peux faire vivre et tu fais mourir, alors fais, fais le soleil, Allah il le fait lever à l'est et il le fait coucher à l'ouest. Si toi tu penses que tu es capable, alors fais-le lever à l'ouest. Et bon, ce même Nimrod là, le prophète Ibrahim alayhi salam, il avait son épouse Sarah et elle était d'une grande beauté. Et lui il a eu peur que si Nimrod voit sa femme et qu'il la voit très belle, qu'il va s'arranger pour le tuer pour pouvoir épouser sa femme. Alors il a dit, c'est ma sœur. Et d'un côté, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Mais d'un côté, c'est sa sœur en islam. Hein? Oui, c'est ça. Ça ne rentre pas dans le mensonge. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle une tauria. Oui. donc c'est pour ça que le cheikh dit la tauria à la en réalité c'est une, c'est quelque chose de vrai mais en apparence c'est un mensonge. Donc il dit par rapport aux, aux étoiles, par rapport aux idoles. Oui. Comme s'il a fait, pour le, c'est pas un deux sens ici. Je pense que c'est plus dans le sens que lui, il a voulu montrer aux mouchriquins la, l'absurdité puis la faiblesse de leur religion en fait. Il y a plusieurs sens à l'explication par rapport à cet acte de Ibrahim alayhi salam. Premièrement, c'est pour dire que si entre les différentes idoles, s'il y a un qui est plus grande que les autres, donc ça veut dire qu'elle est plus forte que les autres. Donc pourquoi ils adorent les petites alors que la grande est plus forte que les petites? Donc si la grande est capable de les casser toutes, ça veut dire qu'elle ne mérite pas d'être adorée plus que la grande. La grande, elle mérite plus. Mais en même temps, eux, ils savent, wa alaykoum salam wa rahmatullah, eux, ils savent très bien que la grande, elle peut pas bouger, elle peut pas parler, elle peut pas voir, elle peut pas entendre. Donc dans ce cas-là, eux non, elles non plus méritent pas non plus d'être adorées. Hein? Donc c'est pour dire, il est en train d'établir la hujja contre eux que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est batil, c'est faux. C'est ça. Exactement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc il y a une sagesse là-dedans. Mais en même temps, je me rappelle plus de tous les détails, mais il y a les explications de ça dans les paroles des ulama. Sauf que le cheikh Ibn Uthaymin ici, il n'est pas rentré dans plus de détails que ça. Après, il a dit, donc, étant donné qu'il a fait ça, hein, les choses qu'il a mentionnées, c'est comme si, en réalité, Ibrahim est un véridique parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit en disant que il a waffa, wa Ibrahim alladhi waffa, et waffa ça dit qu'il a été fidèle, hein, qu'il a été honnête. Donc mais malgré tout lui il se sent gêné par rapport à ça d'aller devant Allah puis d'intercéder auprès de lui. Ensuite ils sont inspirés d'aller vers Moussa alayhi salam. Il dit thumma yulhamuna an ya'tu ila Moussa عليه السلام فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وهي نفس القبطي الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام قويا فوكزه وكزة واحدة فقضى عليه. Donc ils vont tous aller voir Moussa alayhi salam pour lui demander d'intercéder pour eux auprès d'Allah. Mais lui, il va s'excuser. Il va dire, je ne peux pas, parce que j'ai tué quelqu'un. Hein? C'est-à-dire, il dit, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué une âme qu'on ne m'avait pas ordonné de tuer. Et c'est qui cette personne qui l'a tué? C'est l'Égyptien qui était en train de se battre avec un des fils d'Israël. Et il a appelé Moussa à venir à son aide et à son secours. Hein? Alors, Moussa alayhi salam est venu directement à son secours. Et Moussa alayhi salam était fort, très fort. Alors, il l'a frappé d'un seul coup, hein, d'un seul coup de poing, et il est tombé mort. Mais l'intention de Moussa, c'était pas de le tuer. Mais il était tellement fort qu'il n'a pas connu sa force, et en le frappant, l'autre est mort. C'est donc pas intentionnel. Donc en réalité, c'est pas comme s'il avait voulu tuer cette personne ou faire un meurtre. Mais c'est quelque chose qui est arrivé par accident. D'accord? Mais malgré ça, malgré que c'était un accident, il se sentait mal de partir pour aller intercéder auprès d'Allah. Alors, il s'est excusé aux gens, il a dit non, je ne peux pas. Alors il dit ثم يلهمون أن يذهبوا إلى عيسى عليه السلام ولكن عيسى لا يعتذر بشيء ولكن يدل على من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي. Puis ensuite, ils sont inspirés d'aller vers Isa, Jésus, le fils de Marie. Puis, quand ils arrivent à Isa, lui, il ne donne aucune excuse. C'est-à-dire, il ne dit pas pourquoi il refuse ou pourquoi il ne veut pas intercéder. Mais il indique seulement les gens vers celui qui est meilleur que lui, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur dit, allez vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chacun d'entre eux, il dit « nafsi, nafsi », c'est-à-dire « moi, moi ». Chacun est concentré sur sa personne à lui. Et il dit « faya'touna ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa wa hadha al-amr alladhi waqa'a bi ilhamillahi li ha'ula'i an-nas li yatabayyana bihi fadlu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala ghayrihi li'anna arba'atan minhum ya'tathiruna bi shay'in mimma yujibu al-khajal وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام والخامس لا يذكر خطيئة ولكنه يعترف أن في الساحة أو أن في الساحة من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيشفع إلى الله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم فيجيبه الله عز وجل ليقضي بين العباد. هذه الشفاعة تسمى عند العلماء رحمهم الله الشفاعة العظمى وهي لكل الناس مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم ولم يختلف فيها أحد من أهل القبلة بل كل أهل القبلة حتى المبتدع وأهل السنة يؤمنون بها. Le Cheikh il dit, puis ils vont venir vers le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et toute cette chose va se produire par l'inspiration d'Allah qui va inspirer ces hommes pour que la supériorité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit clarifiée et qu'il est meilleur et il a plus de mérite que les autres prophètes et messagers qui ont été envoyés. Et donc, quatre d'entre eux vont s'excuser en mentionnant quelque chose dont ils sont gênés devant Allah subhanahu wa ta'ala de demander l'intercession, c'est-à-dire Adam, Nuh et Ibrahim et Moussa alayhi wa sallam. Tandis que le cinquième, qui est Isa alayhi salam, lui, il ne mentionne pas d'excuses, hein, ou de raisons pourquoi, mais il indique aux gens qu'il y a quelqu'un de meilleur que lui, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui à qui Allah a pardonné les péchés passés et futurs. Hein? Et donc, il va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que les hommes puissent être sauvés de la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire la longue attente pour le jugement, hein, au jugement dernier. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer donc l'intercession, la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il commence le jugement entre les serviteurs. Et cette intercession-là, les ulama l'appellent al-shafa'atul uzma, c'est-à-dire la plus grande intercession. Et c'est pour tous les hommes, pour les croyants et les non-croyants, les bons et les pécheurs. Hein? Et personne parmi les musulmans de la Qibla sont en divergence sur ça. Tous les musulmans qui font partie des gens de la Qibla, ils sont tous d'accord. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Même les mubtadi'a, ils sont d'accord que cette intercession-là, elle est vraie et qu'elle existe, hein, dans l'islam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera au prochain cours la suite, inshallah, de la clarification au sujet de al-shafa'a. Inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.